à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Nous sommes en direct du parvis de Saint-Gilles. Bonjour à vous qui passez, bonne soirée. Allumez le 92.1 dans votre voiture et puis comme ça on pourra rester ensemble à la fois en direct de la radio et puis en direct du parvis de Saint-Gilles où nous assurons nos agendas culturels chaque premier vendredi du mois avec la complicité de la brasserie de l'Union et des autorités communales de Saint-Gilles. Et oui, c'est encore nous, monsieur, bonjour. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h au moins, voire un petit peu plus, vu que chaque vendredi, le premier du mois, nous assurons aussi une scène ouverte pour qui veut s'exprimer à la radio, dans son quartier, ici, depuis notre super radio Camio. Nous sommes aussi, comme c'est vendredi, en compagnie de Graziella, qui est là. Bonjour Graziella. Bonjour Karine. Et puis les vendredis aussi, nous avons une chroniqueuse qui s'appelle May, qui est avec nous régulièrement et qui sera sans doute de la partie sur chacun de ces Radio Camio. Bonjour May. Non. Encore. Bonjour Karine. Super. Bienvenue à toi May. Et puis bienvenue enfin à notre invitée, Ensa. Bienvenue à toi. Bonjour Karine, bonjour Graziella, bonjour May. Notre invitée principale avec qui on va converser une bonne partie de cette émission. Vu que tu es l'organisateur d'un open stage, un open dance floor stage, bref, des micros et une scène voilà, ouverte, ce sera ce week-end, et que tu as une structure qui organise bien d'autres choses, et on va avoir le temps d'en parler pendant absolument toute cette heure ensemble. Ouais, donc demain, le 4 avril, open floor à la Maison des Cultures de Saint-Gilles. On reste Saint-Gillois. Voilà. Alors toi tu t'appelles Ensa ou Ensa et c'est pas anodin ce petit surnom, c'est pas seulement ton blaze d'artiste parce qu'en plus d'organiser tu es aussi artiste. Voilà, tout à fait. Donc c'est mon vrai prénom en fait, Ensa, et c'est en même temps le nom de la structure, nouveau système artistique, et c'est en même temps en lingala Ensa ça veut dire plume. Donc la signification de mon prénom, plume, ben voilà, c'est ça qui fait que c'est un code et qu'en même temps j'utilise différentes déclinaisons de NSA. D'accord, alors la structure, tu dis nouveau système artistique, moi j'avais lu Pioda ASBL, il y a un lien entre les deux ? Oui, en fait, donc ma sœur qui s'occupe de nouveau système artistique s'occupe également de Pioda, et donc elle a un peu réuni les deux associations autour des open floor que Pioda organisait déjà avant la SBL, nouveau système artistique. Ok, donc ouais. Nouveau système artistique. Il y a des plateformes qui existent, il y a des systèmes alternatifs qui existent. Qu'est-ce qu'il y avait encore à inventer pour créer ce nouveau système ? Ben, ce nouveau système, c'est sortir du simple marché spectacle, show business classique, pour que les artistes aillent travailler ailleurs et qu'ils puissent participer à l'activité économique tous les jours dans des bureaux. Proposer des ateliers chansons à l'heure du midi dans, je sais pas, chez Mastercard. Enfin, on va pas faire de pub, mais dans les. Ah, t'as choisi les meilleurs en plus, hein. Par exemple, ouais, quoi. Ouais. Ça veut dire système économique quand même. Bah oui, quand même. Ouais. Ouais. Bah, c'est un petit peu le nerf de la guerre parce que, bon, pour se nourrir, malheureusement, à moins qu'on cultive soi-même sa nourriture, enfin, mais on est quand même contraint à avoir besoin d'argent, à utiliser de l'argent, quoi. Ouais. Et là, voilà, tu citais un gros méchant, mais du coup, vous allez voir dans le système commercial et uniquement, ou est-ce que vous proposez à des artistes différentes pistes de diffusion ou de vente, parce qu'on parle de vendre un travail. Ouais, il y a différentes pistes. Disons que ça, c'est l'axe principal pour l'instant. C'est vraiment les bureaux, les grosses sociétés, proposer à ces gens qui ont des vies stressantes de pouvoir voilà faire des activités artistiques pour chercher un épanouissement parce qu'ils sont très frustrés souvent, travailler juste avec des chiffres, des tableaux, c'est très très inhumain comme boulot, donc bah moi ça m'excite les chiffres. Ah, ok. Ça peut l'être, hein. Ah, mais ça peut l'être. Non, c'est une petite feinte. Et vous proposez des ateliers, vous leur proposez à eux d'avoir une pratique artistique, ou est-ce que vous proposez à vos artistes d'aller se produire là-bas, parce que c'est pas la même démarche? Ouais, donc c'est il y a les deux en fait. Soit on propose des petits spectacles intimistes devant 30-40 personnes dans les bureaux, ou bien alors on propose aussi des cours et des activités peinture par exemple. Ou des activités un peu plus basées sur le mouvement, la danse, sur le bien-être, des choses comme ça. Et les entreprises, ils embrayent quand vous leur dites on va faire danser vos salariés pour leur bien-être et ça se passera dans le cadre de leurs horaires. Ils acceptent ça ? Souvent, c'est à l'heure du midi, mais c'est bon parce que c'est, ils vont être plus détendus après tout ça. Et ce qui marche beaucoup, c'est les activités physiques. Ça, c'est ce qui est demandé parce que bon, voilà, on sait que les gens accordent beaucoup d'importance à leur apparence et donc là, directement. Danser, si on leur dit que oui, on brûle des calories et que ça affine la silhouette, ben, c'est déjà un peu plus vendeur. C'est marrant, je pensais pas du tout que t'allais me dire ça. Je pensais que t'allais me dire c'est physique parce que voilà, parce qu'il y a un rapport au corps dans le travail qui est aliénant et qu'ils ont besoin de détendre des choses. Moi, je pensais plutôt yoga, pilates, tout ça, mais non, toi tu viens avec Zumba, fessiers, ventre ferme, quoi. Danse africaine et tout ça, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup justement de pilates, yoga aussi. C'est très adapté à l'heure du midi parce qu'on transpire moins et tout ça, donc c'est beaucoup plus accessible. Mais par exemple, après leur activité, vers 16h30, 17h, là on peut proposer un cours de danse. Et voilà, après ils rentrent chez eux, se doucher. D'accord. Sarouane, ne vous inquiétez pas, nous sommes en direct du parvis. Il y a des vraies voitures qui passent avec des vrais gens dedans qui nous regardent. Et puis qui coupent pas forcément leur moteur. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, c'est dommage qu'il y ait des vraies voitures qui passent. Dommage que c'est pas du dessin animé. Il y a des vrais cyclistes, mais ils font un peu moins de bruit. Et alors, en parlant de faire du bruit, donc voilà, il y a ces activités qui existent. Vous vous occupez de trouver des clients et, ouais, et des fournisseurs, en gros, donc des artistes et des prestataires et puis des acheteurs. Voilà. Mais il y a aussi le côté événementiel, fête de personnel, mariage, communion. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans l'activité économique? On sait que voilà, les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour se marier. Et souvent, ils ont besoin d'artistes pour que l'événement soit meilleur, quoi. Donc, c'est pour les groupes musicaux ou même parfois pour des cracheurs de feu, il y a des demandes comme ça pour des anniversaires. Donc, plus de l'animation finalement. Voilà, c'est ça, ouais. Et ils s'y retrouvent, les artistes, là-dedans? Mais disons qu'il y a trois pôles. Il y a le côté plus alimentaire. Et après, il y a le côté plus développement de carrière, spectacle, où on va en studio. Et voilà, c'est un peu plus... ça demande plus de travail de l'artiste avant d'arriver à ça. Mais c'est le but, quoi. Mm-hmm. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même vivre et que voilà, on n'a pas la possibilité de simplement... créer, être payé pour créer de nos jours, c'est compliqué. Donc, on essaye de trouver justement, voilà, un nouveau système pour vivre de son art. Donc, sur la partie alimentaire, on a bien vu, hein, vous pouvez faire l'entremise chez ces gens-là. Sur la partie qui est plus développement de projets artistiques, est-ce que vous les accompagnez aussi? Est-ce que vous accompagnez des spectacles qui se créent, des artistes dans des démarches plus invendable, plus singulière, des choses qui sont peut-être moins animatoires ou sympathiques à avoir dans un mariage, par exemple? Ouais, bah justement, maintenant, on va un petit peu plus vers travailler avec des groupes hip-hop, comme Siku Siku. Qu'on a entendu sur notre antenne il y a 2 ou 3 mois. Voilà, ou comme Seed One Shot. Et donc là, c'est plus aller en studio et développer faire des albums et aussi le travail sur scène, voilà, tout ce côté-là, quoi. D'accord. Mais du coup, ça veut dire avoir accès à des espaces de travail pour ces gens. Il faut toujours rester concentré quand on est en rue, c'est aussi intéressant, on pourra reparler après. Ouais, c'est ça. Parce que, bref, sur cette question d'espace de travail, justement, vous avez des espaces où ils peuvent créer, parce que monter un show, ça veut dire une conscience de l'espace, ça veut dire faire du bruit, ça veut dire pouvoir prendre ses aises. Souvent on a des partenaires qui nous prêtent des salles. On a eu notamment la Maison de la Solidarité à XL. On a aussi parfois des espaces, des salles de danse, salles de théâtre et tout ça. On essaye d'avoir des partenariats à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et là, vous en avez un à Saint-Gilles, pour le coup, pour le cas de cet Open Stage. Voilà, c'est ça. Donc, la Maison des Cultures, voilà, qui nous permet de faire des événements réguliers. Bon, là cette saison-là, ils sont très politiques. Mais voilà. Très politique dans les thèmes, en fait. Oui, d'accord. Je croyais qu'il laissait la place au meeting plutôt qu'aux artistes. Non, mais bon, voilà, parce que là, justement, demain, l'événement, c'est Bruxelles, Martin Luther King Day. Et donc, c'est un peu plus politique et c'est moins dans le divertissement et tout ça au niveau du thème, où parfois on rend juste hommage à des artistes qu'on aime bien, tout simplement, quoi. Ça veut dire que c'est eux qui vous ont imposé un thème politique ? Non, c'est nous qui l'avons choisi. Martin Luther King, pas Martin anodin. Luther King. Ah ben non, Martin Luther King. Mais son message, c'était quand même voilà la diversité culturelle. Il voulait qu'on sorte toutes ces communautés. On sait qu'aux États-Unis, malgré tout, ça a pas vraiment changé. Mais voilà, il y a des communautés très très fermées et voilà, on se mélange pas quand voilà. Après, je dis pas qu'il faut spécialement se mélanger au niveau du mariage. Bah, c'est, pour moi, plus on se mélange, plus on sera heureux. C'est un plus. On peut le faire aussi, mais déjà au niveau de se côtoyer, des fréquentations. Mais pas se mélanger au niveau du mariage, tu disais. C'est intéressant quand on lâche des trucs comme ça. Donc se mélanger, mais pas trop. Non, bah, je dis, on peut le faire. C'est déjà la première étape, c'est ne pas être trop communautariste et faire. Donc pouvoir se marier, se mélanger pour de vrai, même sexuellement, les choses sales et tout. Quoi. Ouais, c'est sûr. Ça peut se faire. Dans ma famille, ça se fait en tout cas. D'accord. Ouais. Ça n'a pas l'air de te convaincre encore tout à fait. Je me permettais de relever. Mais c'est une question complexe en fait, de se mélanger. Non mais sérieusement, s'il faut aborder le sujet, c'est que si on se mélange, imaginons, t'as un peuple, il se mélange avec un autre peuple, et bien il va y avoir un peu des deux peuples dans une personne, et puis après on se remélange avec un autre peuple, et en fait le peuple d'origine n'existe plus en même temps. Vous voyez de quoi je parle ou ouais, pas? Ouais, c'est comment... sûr, ouais. Bon, voilà. y a un peu c'est un peu perte d'identité. Voilà, c'est pour ça que, bon, moi, personnel, ça peut... moi je suis pas contre le mélange, mais je sais mais que ça façon, fait, on peut pas ça être fait peur contre. Bah non, c'est comme ça dans l'ordre des choses. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est un peu dans l'ordre des choses puisqu'on est dans le mouvement des peuples, les frontières ont bougé, enfin voilà, les gens bougent, voilà, on peut pas empêcher les gens de se mélanger. Ouais, c'est ça, ne fût-ce que déjà culturellement au niveau des influences, c'est une première étape. Voilà, bon. Après, je sais que bon, il y a des peuples quand même qui sont. On a des exemples, le peuple chinois qui est quand même très très très fermé. Qui n'est pas un peuple qui est déjà une multitude d'ethnies avec des ethnies hyper dominantes et d'autres bien écrasées. Donc le peuple chinois déjà, ça n'existe pas. Ouais. En soi, c'est vrai. Mais si, c'est un exemple. La Chine, on voit quand même qu'ils sont assez fermés, assez hermétiques à beaucoup de choses. C'est un exemple pour dire que je vois pas beaucoup de mélange entre Africains et Chinois. Mais après, il peut y quand même déjà avoir plus de mélange. Simplement, c'est une question d'étape. C'est pas dire que je prône pas le non-mélange au niveau du sang. Mais moi, pour l'instant, déjà, je veux juste le mélange au niveau culturel, au niveau au niveau des gens, simplement. Quoi. Après, je suis pas fermé à... Je vais croire que... C'était de la provocation, tu l'auras compris. Hein. Mais bon, voilà, on peut pas arriver avec un truc genre on fait un dé Martin Luther King sans poser quand même quelques questions qui fâchent. Non, c'est sûr. Puis d'ailleurs, je pense pas qu'on soit super fâchés. Mais donc, dans quelle mesure est-ce que cette journée, parce qu'on a parlé d'un open stage, on va pas inviter Martin, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un thème imposé aux gens qui vont participer ou est-ce que c'est vous qui venez avec un contenu autour de ça? Mais disons que c'est nous qui venons avec... avec le thème, donc les ASBL et tout ça. Et puis là, on a pris des artistes qui étaient sensibles à cette vision, à cette cause, et voilà, qui étaient justement des gens assez ouverts déjà nous, beaucoup d'origine africaine, qui sont forcément métis, même si on n'est pas métis de peau ou quoi, parce que ça se voit pas à la radio, mais tu es d'origine africaine aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ça se voit pas spécialement à la radio. Ouais. Et voilà, donc. Et donc des jeunes et des moins jeunes. Voilà, c'est ça, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont. Tu disais beaucoup des Africains, pas que, j'espère. Non, pas que. Il y aura des. Pourquoi tu dis pas des que, j'espère, Karine? Parce que mixité, créolité, saucisse boucanée, tu vois. Et donc voilà, c'est un peu les. Par exemple, il y a Sid One Shot qui a écrit une chanson I Have a Dream. Et voilà, donc lui déjà à la base, c'est un grand fan de Martin Luther King. C'est pour ça qu'on a pensé à lui aussi pour venir chanter à l'Open Floor. D'accord. Donc Open Floor, c'est samedi, on l'a dit. Ça se passe à la Maison des Cultures de Saint-Gilles, on l'a dit aussi. Et voilà. Puis c'est toute une journée. Toute une journée. Donc il y aura une pièce de théâtre avec Étienne Minungu. Ah, le grand Étienne Minungu. Voilà. Une pièce de théâtre qui s'appelle M'appelle Mohamed Ali. Et donc là, c'est pourquoi Mohamed Ali, Martin Luther King, ben c'est parce que c'est un petit peu la même époque. Hein. Et, ouais. Et que voilà, ils avaient aussi des combats. Mohamed Ali était quand même assez engagé politiquement aussi. Ouais. C'était pas le même combat que Martin Luther King. Mais voilà, donc ça rappelle un peu cette époque-là. Tu peux un peu raconter le combat de Mohamed Ali? Mohamed Ali. En quelques lignes, hein, évidemment, mais. Bah, déjà, il s'est converti à l'islam. Il était proche des mouvements, d'émancipation des Noirs. Donc, c'était un petit peu ça son combat, quoi. Avoir les mêmes droits pour les citoyens que les citoyens noirs et les mêmes droits que les citoyens blancs, comme. Comme à l'époque, c'était pas clair tout ça, évidemment. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'était énorme aussi là-bas, à ces époques-là, évidemment. Déjà que faut voilà. Oublier de le rappeler, ça, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Donc à la base, il s'appelle Cassius Clay, mais certainement qu'à la base, il s'appelait peut-être, je sais pas, Mutumba Kasongo. Et donc voilà, il a eu son retour aux sources à sa façon, conversion à l'islam et tout ça. Et beaucoup de personnes de la communauté noire se retrouve à travers l'islam. Donc voilà, c'était aussi un petit peu pour faire ce lien-là, parce que c'est vraiment la même époque, hein, fin des années 60. D'accord. Alors cette pièce, donc M'appelle Mohamed Ali, avec Étienne Minungu, a été quand même mise en scène. C'est un texte qui existe déjà, et une mise en scène qui n'est pas lui, parce que ça il peut faire, mais là il n'a pas fait. Ouais. JB, Jean-Baptiste ? Non, je te colle, ok. Jean-Baptiste Amado Tientore, qui est le metteur en scène de cette pièce en compagnie de D, je ne sais pas qui, Nyanguna. Voilà donc pour les personnes qui travaillent aussi sur ce projet en compagnie d'Étienne Minungu. Et donc cette pièce sera présentée à 13h, c'est entre 13 et 15, à la Maison des Cultures de Saint-Gilles. L'ouverture des portes est prévue une heure avant, dès midi. Et entre midi et 13h, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Donc là, il y aura exposition photo sur la vie de Martin Luther King, tout simplement. On va un petit peu retracer sa vie. Donc là, cette exposition-là a été faite par notre stagiaire qui s'appelle Laura. Et voilà, donc. Comme elle est stagiaire, elle n'a pas encore de nom de famille. En plus, c'est une fille, donc. Laura D'Arcangelo. Merci pour elle. Et puis, il est question d'un buffet aux saveurs du monde à prix démocratique. Ça, c'est peut-être une belle entrée en matière aussi avant la journée qui nous attend. Bah ouais, non, c'est. Donc, des petits mets pour. Bah, justement, voilà, on parlait de diversité culturelle. Bah voilà, là, c'est l'occasion de goûter des plats qui sont pas forcément typiquement d'ici. Petit voyage, exotisme. Et donc, il y aura des plats africains, des mets africains et d'autres saveurs aussi. Plus asiatique. On aime bien le mélange. Il y aura de quoi manger, en tout cas, là, ça fait déjà saliver, quoi. Bah, c'est une grosse journée, hein, donc ça commence à midi, ça finit à 22h. Donc il y a cette exposition, ce buffet, il y a cette pièce de théâtre, et puis aussi en parallèle, dans l'après-midi, une initiation musicale qui est proposée pour les enfants à partir de 6 mois. 6 mois et pas 6 ans. Hein, donc c'est carrément de l'éveil. Voilà, c'est ça. Donc. On pourrait dire il y a une erreur là, mais non, c'est bien. C'est bien, ça, on est d'accord. C'est bien 6 mois. C'est Sylvina Ouassadio qui fait ça, qui est une grande dame, une grande artiste aussi afro-belge d'ici. Voilà, tout à fait. Chanteuse. Moi, je la connais surtout comme chanteuse. Ouais. Voilà, je sais qu'elle a plusieurs cartes. Elle fait aussi du théâtre. C'est une voix et pas que. Voilà. Ouais. Vous pouvez lui confier vos enfants dès 6 mois, je veux bien porter garant, il n'y aura pas de soucis, quoi. Ah non. Des activités ludiques, didactives et sportives, et oui, c'est là que la Zumba revient ou pas? La Zumba, ce sera. Une activité sportive dans un lieu culturel comme la Maison des Cultures de Saint-Gilles, ça donne quoi? Ce sera plutôt danse afro. Ouais, c'est vrai que ça rejoint un peu le côté Zumba. Mais disons que la Zumba, c'est un concept bien ficelé, bien marketing. Pour que les gens se réabonnent dans les maisons de sport. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Faut mais changer régulièrement, mettre des modes et tout ça. Voilà, c'est ça. Mais sinon, finalement, la Zumba, c'est quoi? C'est un rythme, des pas basiques, on change. On peut suivre ça. C'est entre le cours de danse. C'est une animation dansée, en fait. Voilà. Ouais. Donc, ça existait déjà, mais bon. C'est vrai qu'on peut, parler de Zumba, ça ressemble. Donc voilà, ces activités dans l'après-midi, donc entre 13 et 17 heures, une initiation musicale des 6 mois, on a compris, c'est les petits, et puis les activités sportives, ludiques et didactiques, parce que c'est quand même Martin Luther King's Day, voilà. Ça c'est entre 4 et 12 ans. Il faut s'y inscrire déjà, enfin, en tout cas y inscrire nos enfants. Oui, oui, ouais, ouais. Pour les inscriptions, il y a des... Donc là c'est Wetsi qui s'occupe beaucoup de ce... Il y a une adresse email et il y a aussi le compte Facebook, hein, donc Facebook / Nouveau Système Artistique. Voilà, là il y a toutes les infos. D'accord. Une conférence Martin Luther King, le combat continue, animée par Calvin. C'est notre Calvin de Radio Campus, ce Calvin-là. Il y en a pas deux des comme lui, hein. Ah bah ouais, non. Voilà, donc je le connais pas personnellement, donc je vais un peu découvrir ce qu'il fait. Et c'est toujours. Wetsi, hein, qui fait la coordination entre Pioda, Nouveau Système Artistique, qui a amené tous ces gens. Et on va dire que Nouveau Système Artistique s'occupe vraiment plus du côté open floor, programmation musicale, coordination et tout ça. Et donc là-dessus, il y a pas mal de choses sur lesquelles elle a travaillé justement avec... Pioda et d'autres acteurs, un petit peu de l'histoire et du patrimoine culturel afro en général. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, on salue aussi du coup nos émissions africaines sur Radio Campus dont Calvin fait partie. Voilà, tout à fait. La conférence sur Martin Luther King ce sera à 15h30 jusqu'à 17h30 dans le même espace et puis ensuite entre 19h et 22h le fameux Open Floor dont on parle depuis tantôt et qui a donné son nom à cet événement. Voilà, tout à fait. C'est open, mais il y a déjà des noms. Il y a déjà des noms. Donc, notamment le tien, à commencer par le tien. Voilà, donc... NSA ou NSA, du coup, dans ton... Donc, en fait, voilà, NSA, je joue là-dessus. Hein. Donc, mon prénom, vrai prénom, c'est NSA. On peut dire NSA ou NSA. Et en même temps, je joue là-dessus parce que c'est un code. Et en fonction de mon humeur... Bah, je me définis avec NSA. Donc là, c'est... Rien à voir avec les Américains, tout ça, évidemment. Non. Même s'il y a Martin Luther King et tout, on ne va pas parler de la NSA. Non, voilà. D'accord. Donc là, NSA, ça sera le New Soul Artist. Donc là, je vais chanter New Soul. Et donc, c'est ce côté-là. Et il y a d'autres facettes hein, de NSA. Mm-hmm. Il y a aussi New Shaolin Agility, le côté arts martiaux et tout ça. Mais là... C'est une facette. Donc c'est pour ça que j'utilise ce prénom comme ça, en nom de code. Et aussi parce que NSA, ça veut dire plume. Voilà, donc... Ça allège. C'est joli, plume. Voilà. Mais oui. Plume. Ouais, très joli. Également Sikou, et puis Sid One Shot, on a déjà cité ces artistes. Et d'autres, est-ce qu'on peut s'y inviter? Oui. Puisque c'est un open dance floor. C'est open floor. Ouais, donc entre... vous pouvez venir... un peu avant 19h et vous dites j'aimerais participer à l'open floor. On prévoit une heure d'improvisation. Pour l'instant on a deux personnes qui viennent, donc si on n'en a pas plus, ils vont prendre un peu plus de temps, mais sinon s'il y a du monde qui se rajoute, ils vont juste faire une, deux chansons ou une ou deux prestations. Voilà. Eh bien voilà, peut-être qu'on peut s'écouter, t'es venu avec un son qu'on n'a pas préparé tout à fait très bien, mais alors en attendant, comme tu parlais de New Soul, moi je propose qu'on s'écoute Save My Soul, justement une artiste New Soul belge, c'est Sarah Garlier, tu la connais ? Ah ouais, je la connais. Eh bien voilà son dernier single. From money and pain, devil and chains. It's raining tears, it's raining blood, but don't be afraid. everybody can see it. We're still singing while we're crying. Save my soul, mama. Atmosphere. And if we need to yell louder, we'll get some help. Just for the beauty of it all, the idea of a world. And we're still singing while we're crying. On est ici dans la radio camion. C'est un peu délicat parce que la technique est parlée en même temps à toi, Karine. Vas-y. Oui, voilà, parce que oui, on est toujours en direct donc du parvis de Saint-Gilles, à la fois sur Radio Campus et à la fois face à la brasserie de l'Union, comme chaque premier vendredi du mois. On a dialogué beaucoup avec Nsa, qui est donc organisateur de cette Open Stage Dance Floor, j'arrive jamais à le dire dans l'ordre, organisée autour du Martin Luther King's Day. Ça se passera à la Maison des Cultures de Saint-Gilles, c'est samedi. Et puis alors que je papote, un échange de cartes de visite et d'ouvrages, parce que oui, un autre artiste est dans la place, celui-ci, je sais pas s'il est dans un registre New Soul. En tout cas, il écrit aussi des textes, il se produit aussi sur scène, ça peut être du slam, ça peut être de la poésie. Et puis il se trouve qu'il organise aussi des scènes ouvertes pour les slameurs du côté de Saint-Gilles. Bienvenue, Philippe. Merci. Mon français n'est pas si bien. Mon néerlandais, ce sera sans doute plus mauvais que ton français. Je sais pas. On peut essayer. On peut essayer. Moi en français et toi en néerlandais. Ok, avec un peu d'allemand alors. Donc, du bist at piano fabrique, also? On continue. Oui, je travaille au piano fabrique. Oui. Moi, je fais un petit peu de scène, slam et poésie expérimentale. Et on organise au piano fabrique tous les jeudis des concerts, différents concerts, et la plupart est dans le spoken words rap slam. Et jeudi prochain, il y a les éditions Malmström qui vont venir avec une traduction des poèmes allemands. Hein, comme ça, c'est bien pour essayer le lien entre les langues. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, on commence avec une compétition dans le cadre du championnat belge du slam, où 4 fois en total, on va faire une sorte de qualification, mais pas comme les scènes normaux dans le championnat où il y a une fois une scène et tu as un finaliste ce jour-là et lui ou elle va aller au championnat. Mais on va faire quelque chose différemment. On va faire une qualification qui surpasse une soirée. Ça veut dire qu'il y a 4 soirs où on va demander les gens de revenir et les points de les différents soirs ensemble vont produire le champion pour aller le 17 octobre au final belge. Qui aura lieu où? Au Piano Fabrique aussi? Non, ça c'est quelque chose qui va avoir lieu au Muntpunt, au Place Monet. Et le finaliste belge va aller à Tartu, ça c'est en Estonie, en novembre, autour du 20e novembre. Là, il y a le championnat européen du slam. Et c'est donc une vraie qualification officielle, oui. C'est international. Oui. Vous oui. avez été, oui. Vous avez reçu le... Moi, j'organise le championnat européen aussi. C'est pour ça. C'est pour ça que... Okay. C'est là que ça sert d'avoir des relations. Oui, j'ai parlé avec mon autre moi. D'accord. Il était d'accord pour que oui. tu fasses les deux. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai une question. Si je veux devenir une slammer, c'est où que je commence pour compétition européenne, mais. Vous pouvez commencer déjà le 16 avril, premier tour de qualification. Tu commences à écrire un texte et sur une scène de slam, tu as 3 minutes pour présenter ton texte vis-à-vis le public. Et c'est le public qui est le jury et eux vont donner des points, un petit peu comme avec le... comment on dit ça? Ice skating... Le patinage artistique. Patinage artistique, oui, c'est ça, c'est le même. Oui. Ou autrement, comme avec le gymnastique, où on donne des points de 0 à 10, et c'est le public qui décide qui a les meilleures votes, et c'est le vote le plus haut et le vote le plus bas. Qu'on élimine et les 3 autres fautes parce qu'il y a 5 personnes de jury et les 3 autres points on compte ensemble et là tu as le point pour le soir et ça on va faire 4 soirs et on va essayer que c'est une compétition autour, avec les 4 soirs ensemble que les gens reviennent et que ça peut dire que tu as une mauvaise jour où tu as dit bah j'ai pas bien fait mais la prochaine fois je vais faire mon devoir pour vraiment être le meilleur et comme ça on va continuer et ça. Après enfin, on est en train d'établir les règles pour les 4 parce que c'est la première fois mondiale que c'est fait. C'est pour ça que on doit avoir les règles avant mardi parce qu'à ce moment-là, la communication va sortir. C'est pour ça. Et quelles sont les règles alors? Qu'est-ce qu'il y a important pour être un bon slammer? Pour être un bon slammer, c'est tu connais ton texte préférablement par cœur, mais ça c'est pas toujours nécessaire. Tu as 3 minutes, tu sais que tu restes dans tes 3 minutes. Tu as un rapport avec ton public, que c'est pas quelque chose que tu sais par cœur justement à la fin. Il y a une sorte de rapport avec ton public. Pour le reste, oui, ça dépend. Ça peut être des textes amoureuses, mais ça peut être aussi des textes très politiques. Ça peut être, oui, n'importe quoi, parce que pendant les 3 minutes, tu as, c'est comment on dit ça, free speech. Tu dis qu'est-ce c'est que libre. Tu veux. Oui. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est santé? Et bon, mais toi-même, tu as commencé un jour aussi? Oui. Par cela? Oui. Comment ça s'est passé? Et ça, c'est déjà dans une autre era. C'était une autre centenaire. Oui, j'ai juste à un certain moment commencé et c'était pas vraiment connu à cette époque-là parce que je parle des années fin des années 90, 2000, à ce moment-là où le slam était juste où Mark Alice Smith a commencé avec ça parce que et le slam c'est un petit peu bizarre parce que l'idée était de Mark Alice Smith quand il a commencé, il a dit que moi j'ai donné des cartes pour voter à 5 personnes dans le public de ce café là parce que avant il était venu au café de présenter ses poèmes et il y a aucune personne, bah il a pensé qu'il était aucune personne qui a entendu lui. Il a donné 5 cartes à 5 différentes personnes en disant que tout le monde qui vient pour une lecture, à ce moment-là, donne des points. Ça veut dire qu'il y a au minimum 5 personnes qui écoutent le poète qui est sur scène. Et ça, c'est un petit peu parce qu'il y a beaucoup de scènes poétiques où c'est un petit peu marrant ou que c'est en anglais très boring, et comme ça que tout le monde dit on va dormir parce que c'est on veut pas entendre. Et dans ce truc de 3 minutes d'avoir vraiment un rapport avec ton public, tu dois vraiment essayer de faire quelque chose et ça a commencé, c'est commencé comme ça et moi j'ai aimé ça presque immédiatement et j'ai continué, mais enfin moi mon mais ça c'était en Angleterre. Alors t'étais en Angleterre? Non, j'ai commencé ici au début des années 2000 2003 2004 2005, avant plus siècle aussi quand même. Oui, ça c'est déjà ça. mais ça, avec le slam, mais avant j'ai fait des poésies de performance, mais ça c'était plutôt dans le, comment dirais-je, le parti plutôt académique ou sonore. C'était plutôt dans le sens de poésie sonore avec seulement les sons. Et moi, je reste un petit peu entre les deux. Tu as le parti slam urban et tu as une sorte de poésie sonore, mais c'est plutôt, on dit académique, c'est pas vraiment académique, mais enfin, c'est un label qu'on a donné. Mais qu'est-ce que ça veut dire poésie sonore? Il faut penser au Paul van Ostaaien. Par exemple, Paul van Ostaaien. Par exemple. Qu'est-ce que c'est Paul van Ostaaien? Oui, ça c'est Apollinaire. Certains trucs des Apollinaire pour les francophones, c'est poésie visuelle, mais poésie visuelle que tu peux lire comme des sons. Tu as Henri Chopin, par exemple, en France, il était un grand poète sonore. Mais c'est plutôt, tu utilises les sons pour exprimer quelque chose, et sans ou avec, enfin ça dépend, sans ou avec une connotation de comment dirais-je, un peu onomatopéique. Oui, très onomatopéique, mais sans que ça doit avoir, sans que tu veux dire quelque chose. Ça peut être seulement une soundscape sonore de par exemple un train qui passe ou un petit peu comme les beatboxers, mais avec les sons des lettres, des mots. Wow, ça donnait bien là. On avait Apollinaire, mais on a aussi Philippe Mersman, c'est toi, parce oui, que tu publies aussi des choses avec des trains qui passent. Oui. Ça peut y ressembler, en tout cas. Ça c'est des petits points. De Morse. Ça c'est un message to a past for voice, Morse and wailing. Oui, ça c'est à quelle page? C'est la 18. C'est ça. Mais ça commence. C'est vraiment. C'est en français. About you. I have. C'est la main sur la table du monsieur qui parle, qui fait la musique que vous entendez. En direct, du parvis de Saint-Gilles. Never ever. Written roads, written, never ever written, no. If you were me, you, me. Me divide add not multiply. I try trial dial learn about me sent me. Shared we have, you and I, you, we no more share, we divide, we rule, we define, us done apart, separate, apart, a part, d part, two part, two parts. Sometimes I wonder I do wonder what if you and me we us did do have wanted together us we. Did I no do this Merci Philippe Mersman pour ce poème sonore. Merci ce texte. Philippe. Il est extrait d'un livre que tu as entre les mains, que j'ai aussi, qui s'appelle This is Belgian Chocolate, oui. Manifestations of Poetry. Oui. C'est écrit en anglais, c'est pas un hasard. Non, j'ai essayé avec mes poésies de commencer dans la région néerlandophone, déjà 28 ans passés. Il y a beaucoup de magazines et beaucoup d'éditeurs qui m'ont renvoyé une lettre en disant que c'est chouette que tu essayes d'écrire quelque chose, mais piss off. et à un certain moment, une dizaine d'années passées, j'ai commencé à envoyer les mêmes poèmes aux États-Unis. Et là, j'ai eu une autre réponse. Ils m'ont publié dans différents recueils et dans différents magazines. Et dès l'année passée, en novembre, il y a maintenant un livre chez Three Rooms Press, après 10 ans de recherche. De recherche et de boulot. Et bah, j'étais l'année passée, en novembre, un petit tour New York State pour faire le promo de ce livre. Et donc un super accueil ici, comment il a été accueilli? Les petites critiques qui sont là sont positives. Et aujourd'hui, il était un review publié au The Brooklyn Reel en États-Unis. Et c'était, bah, je suis très ravi parce que c'était très positif. Et oui. Mais du coup, alors, ça voudrait dire, Philippe, je te tourne le dos, hein. Tu ne m'en veux pas? Oui, je t'entends, mais... Oh là là. Ouais, tu m'entends quand même ou... Oui, je t'entends, oui. Mais alors, ça voudrait dire quoi, en fait, cette histoire? C'est un peu de la recherche, puis ça marche ailleurs. Ça te raconte quoi, toi, tout ça, alors? Genre, faut pas abandonner, ou y a des gens qui aiment pas, et puis on a d'autres qui aiment bien Oui, mais ça c'est toujours... Avec la poésie, c'est un petit marché, hein. C'est mondial. Enfin, j'étais déjà invité dans différents festivals. Avec mes poésies, mes performances, mais il y a une grande différence parce qu'il y a beaucoup de, au côté néerlandophone, mais aussi dans d'autres langues, c'est un petit peu le même. Il y a une grande différence entre les poètes qui sont sur scène avec leur œuvre et les poètes qui sont publiés sur un page. Et toi, tu fais les deux? Oui, et je fais poésie visuelle, mais dans le sens que le visuel est aussi sonore. Et de temps en temps, c'est difficile d'avoir des gens qui aiment qu'est-ce que tu fais, parce que elle est dans différents magazines, ils sont plutôt intéressés sur quelque chose un petit peu hermétique. Et pas vraiment quelque chose qui est pour exprimer les trucs. Et à un certain moment, après que tu as fait, que tu as envoyé tes textes à tous les recueils, tous les éditeurs et tout ça, et tout le monde t'envoie des trucs parce négatif. Que c'est pas bien. T'es pas abandonné, quoi, ça c'est chouette. Et tu dis que, où est-ce que. Allez, fin, je pense que qu'est-ce que j'écris, c'est bien. Au moins toi-même. Oui, c'est ça. Quand tu écris, tu l'écris pour faire à haute voix ou... La plupart, oui. La plupart des textes, oui, vraiment. Autrement, ce sont un petit peu des études pour des études visuelles, mais la plupart, c'est vraiment que j'écris vraiment pour être lu en haute voix. Autrefois, mais c'est à haute voix. Non, à haute voix. Mais ce poème que tu as lu, ça c'est avec du morse? Oui, ça c'est normalement avec une machine de morse. C'est normalement vraiment le deuxième voix, c'est avec une machine de morse. Et il y a dans cette série-là, il y a aussi un poème, mais ce n'est pas publié ici, mais c'est avec un cœur en plus. Il y a une machine de morse, il y a un voix et il y a un cœur. Un quoi? Un cœur comme 10 personnes, choir, un coach. Oui. Mais pourquoi tu pensé à un morse? Parce que c'est une façon de communiquer. Il y a beaucoup de poèmes, enfin, que c'est un anti-guerre, en disant que mais de l'autre côté, que comme on entend maintenant, c'est aussi une façon à communiquer par l'ambulance qui dit que l'ambulance doit passer parce que... L'ambulance doit passer parce qu'il y a une urgence. Et le morse, c'est le même, c'est une façon à communiquer. Ça, c'est le seul poème que j'ai écrit à la fin de ma première mariage, où moi, j'ai me posé la question pourquoi j'ai jamais écrit un poème d'amour pour ma première femme. C'était la question, c'est répondu dans ce poème-là. Cool. Qu'il y a un problème de communication. C'est un big teasing pour le bouquin, hein. Tu vas le lire? Oui, j'ai juste lu. Cool. Ok. Moi aussi. T'as aussi une autre poème. On a parlé sur cela tout à l'heure. Oui, ça c'est en irlandais. Ça c'est un poème en irlandais. Oui, Est-ce que c'est accepté un poème en irlandais? Ouais, c'est possible ça. Is it mogelijk? Het is mogelijk. Si tu veux, je peux essayer de faire une traduction, mais ça de temps en temps, ça peut être. Ik mis je. Zoals honing bijen mist. Dezelfde mist die 's morgens in de winter over de Theems hangt. Hangen. Zoals de veroordeelde die om 5 uur 's morgens dat stoeltje weggeschopt voelt. Voelen. Zoals een verliefd paardje dat elkaar jaren niet heeft gezien. Zien zoals de bloem die 's avonds verwelkt. Verwelken zoals een vrouw in haar oude dag. Dag, het tegenstelde van nacht, nacht. Hetgeen ik jaren heb gemist. Missen. Zoals de honing bijen, die zoemen alsof hun leven ervan afhangt, hangen, zoals de veroordeelde die om 6 uur alweer dat stoeltje moet voelen wegschoppen. Wegschoppen, het vuil op de straat dat om 7 uur nog voor mijn voeten ligt. Liggen, zoals de man naast de vrouw, naast de vrouw, naast de man, naast de man, naast de man, naast de vrouw, na... woelige, nachtelijke ervaringen. Ervaringen die gevraagd worden in sollicitatiegesprekken. Gesprekken zoals het zoemen van bijen, bijen. Op zoek naar honing, honing zo zoet als mijn. Philippe, toujours avec nous, Nsa. Toujours là, hein, oui, toujours là. Ça va, tu reconnais un petit peu dans sa pratique poétique des choses que tu peux retrouver dans d'autres organisations où on donne des scènes ouvertes et des micros aussi à des poètes ou à des gens qui font du texte? Ben oui, mais le morse là, c'est spécial, je j'avais jamais vu, mais c'est original. Merci. En plus, le message, finalement, c'est vrai que si c'est contre la guerre, bon... Tous les slogans, on les connaît, donc pourquoi se répéter? Pourquoi pas... Non, c'est bien. J'aime bien. Merci. Et donc, pour repasser la parole à Philippe, en attendant Christophe aille chercher sa guitare, tu organises aussi donc ce concours au Piano Fabrique. Oui. Il est ouvert et les inscriptions sont encore possibles. Oui, c'est inscription le moment même. C'est le 16 avril. Oui, c'est un jeudi. Oui, le 16 avril. C'est la première édition de compétition et il y a différentes scènes ailleurs. Aussi à Liège, des autres scènes à Bruxelles, en Anvers, à Gand. Mais au Piano Fabrique, on fait ça, comme j'ai expliqué, pendant différentes rondes ou des différents jours, où à la fin, il y a quelqu'un qui était un petit peu comme le cyclocross. Et tu as, à la fin de saison, tu as un vainqueur qui a le maximum des points. Et ça, c'est un petit peu une nouvelle chose dans la compétition pour que c'est pas seulement une fois de one-off d'une soirée. Si tu es, c'est plutôt on cherche quelqu'un qui est consistant, qui faisait plusieurs bons moments, comme ça. Et alors du coup la pratique, enfin la langue, parce que c'est une compétition internationale, est-ce que les jurys peuvent juger autant du français que du néerlandais, que de l'anglais ou du morse? En Belgique, on fait que la langue, l'utilisation de langue est libre. Ça veut dire que tu peux utiliser quelle langue que tu veux. Pour le final, normalement, les textes néerlandais sont traduits en français et il y a une projection. Et bien sûr, les textes français sont traduits en néerlandais, mais si tu utilises une autre langue à ce moment-là, on ne fait pas de traduction. Et en européen, en principe, les traductions sont faites ou en français, ou en anglais, ou dans certains pays, ça peut être langue nationale. C'est possible qu'en Estonie, qu'eux vont traduire ça en estonien pour le jury estonien local. Parce qu'aussi, un championnat européen, à ce moment-là, c'est avec un jury local qui va décider, qui va gagner. Mm-hmm. Et donc, on peut s'inscrire auprès du Piano Fabrique, oui. Ou est-ce qu'il y a une adresse directe chez toi ou ailleurs? Oui, si tu envoies ça à... quelque chose de facile, info@pianofabrique.be ou en français info@pianofabrique.be et tu inscris pour ce soirée-là, mais de l'autre côté, tu peux juste venir le 16 avril en disant que je vais essayer première fois ou enfin. Et aussi, bientôt on pourrait l'écouter, réécouter soirées. Oui. Oui, ça c'est fantastique parce que May fait un projet chez nous où les jeudis soirs elle va enregistrer complètement et elle va faire des différentes interviews et là elle va compiler ça dans une heure de radio podcast ou enfin c'est un mauvais mot je sais mais une heure de truc où après on va le réécouter. Mais je pense que May, c'est plus que moi sur ça. Ben, on va voir, on peut faire connaissance des slammers et, oui. Et des secrets. Ben, on va, on ne sait pas encore, mais ça va être chouette. Oui, il va le publier sur le site pianofabrique.be, sur notre Facebook du Piano Fabrique et bien sûr ailleurs. Ben voilà, une belle rencontre hein, entre deux organisateurs de scènes ouvertes qui laissent la place aussi au texte. J'espère que l'information va circuler dans les deux réseaux du coup. Ah oui, bien sûr. Qui va aussi vers des réseaux plus commerciaux, d'animation, d'autres qui vont à l'étranger et vers le Morse. Donc voilà. Je vais prendre le flyer, comme j'ai toutes les infos dessus, oui, c'est ça, hein. Facebook. On pourra communiquer, moi j'ai la carte de visite. Oui, c'est ça, et on va travailler ensemble. Voilà. Et vous pouvez boire un verre aussi, hein. Oui, c'est ça. Oui, oui. On va faire une camionnette nous-mêmes. Vous pouvez aussi aller boire un verre directement aux brasseries ensuite, hein, après. Oui, ça c'est toujours. Ah oui, ça c'est product placement, on appelle ça. Ouais. La brasserie de l'Union. Qui nous accueille et grâce à qui nous sommes en direct sur Radio Campus tous les premiers vendredis du mois. Union. Ben voilà, c'est pour rappeler qu'on est en direct de Saint-Gilles, ça, hein, une petite impro. Ah, moi, je vais laisser place pour le guitare. Oui, merci. Ah, non, tu vas slammer avec moi. Oui, ouais, mais je vais me mettre à côté, cool. Comme ça tu as plus de place. Et en attendant que tout le monde s'installe, on va peut-être s'écouter un morceau d'Ensa, parce que nous as quand même amené un son. Le verre pas sur la table. Excuse-moi, Marilyn. Et alors c'est quoi ce morceau que tu nous as préparé? C'est Sois Cool. Sois Cool, et bah tiens, c'est tout à fait à propos. Sois Cool. Journée dont l'intensité a passé le seuil du raisonnable. Mon corps tout entier demande qu'à adopter les positions les plus confortables. Quant à ma bonne humeur en quête de chaleur, elle pourrait devenir rapidement électrique. Par une prise de tête, si tu cherches la petite bête, tu trouveras la bête qui sommeille en moi. Donc sois cool. Sois cool, façon futile. Et tant souvent guidé par la passion, nous passons peu de moments tranquilles. J'aimerais donner une tourne plus aile à notre relation. Allez d'elle, allonge-toi et laisse-moi te relaxer. Sois cool, sois cool, sois cool. Je ne veux pas du bruit de tête. Sois cool, sois cool, sois cool. Je ne veux pas de bruit de tête. Meilleur chérie, quand tu parles, je te prie de dire les choses avec parcimonie. N'hurle pas les choses si tu veux ma collaboration. À ta douceur je prêterai toute mon attention. Car si tu me balances les slash, ça sera le clash. Celui où on se fâche et où les choses se gâtent. Pourquoi tant de colère et tant de hâte? Reste cool bébé et je m'écouterai le clash. Sois cool, nous sommes toujours en direct du parvis de Saint-Gilles. On vient d'écouter le son de Nsa, voilà, que l'on pourra retrouver lui-même sur scène dans l'événement qu'il organise ce samedi à la Maison des Cultures de Saint-Gilles. Tout à fait, ouais, c'était moi. Merci à nos invités. Et puis avant de quitter l'antenne, chaque vendredi désormais dans cette émission, il y aura une petite chronique que l'on doit à Alexia Goreng qui s'appelle La Branche Verte. Et aujourd'hui, tout à fait avec l'humeur du jour, nous vous parlerons des vers de terre. Bonsoir et bienvenue dans la branche verte. Alors en cette période de repos du potager, le sol a besoin d'être enrichi et certainement pas laissé à l'abandon. On peut par exemple faire pousser de la moutarde ou de la luzerne pour lui permettre de s'aérer et de se structurer, car le sol est un milieu extrêmement vivant où les champignons, les bactéries et les animaux s'épanouissent. Parmi ses nombreux habitants, le ver de terre est un petit être gluant mais indispensable. There's a new sound, the newest sound around, the strangest sound that you have ever heard. Et oui, il se balade sous la terre en bande. On compte environ 200 vers de terre par mètre carré. Ils sont donc plutôt efficaces dans le recyclage de la matière organique, l'aération et la fertilisation des sols. Ils sont longs, sans pattes et ont une peau visqueuse. Cet aspect gluant de leur personne est dû au mucus qui les recouvre et qui les empêche de se déshydrater, car à la surface de leur corps se trouvent de tout petits trous qui leur permettent de respirer. C'est la respiration cutanée. Et oui, les vers de terre n'ont pas de poumons. Ils n'ont d'ailleurs pas d'oreilles ni d'yeux. Ils sont dotés de cellules sensibles à la lumière et à l'odeur, au toucher, placées sur leur tête. Leur tête donc est placée au début de leur corps qui se termine par l'anus. Le reste du corps est composé d'anneaux identiques possédant quatre paires de soies. But there's a new sound, it's deep down in the ground, and everyone who listens to it squirms. Because this new sound, so deep down in the ground, is the sound that's made by worms. C'est certain qu'ils ont une manière curieuse de se déplacer, mais en fait c'est super bien foutu. Donc comme je disais tout à l'heure, le corps du ver de terre est composé d'anneaux. Chaque anneau est composé de deux muscles, un longitudinal, l'autre circulaire. Donc en les contractant chacun leur tour, l'anneau se allonge et se rétrécit, et s'allonge et se rétrécit, et ainsi de suite. J'ai parlé aussi des paires de soies. Donc chaque anneau possède quatre paires de soies. Alors les soies sont des espèces de petites aiguilles très fines, placées tout autour de chaque anneau, que le ver enfonce dans le sol pour prendre appui et avancer. Pour avancer sous la terre, soit il creuse avec sa tête, soit il ouvre grand sa bouche et avale tout ce qui se présente devant lui. Donc les aiguilles pour la croche, les muscles pour la force et la tête pour creuser. Il s'en sort plutôt pas mal. Le ver de terre donc avale tout ce qui lui passe sous l'anneau et poursuit son chemin. Et ça tombe bien. Imaginez un arbre. Au moment de l'automne, les feuilles tombent. Les bactéries présentes dans le sol vont transformer la feuille en sels minéraux, c'est-à-dire en nitrate et en potassium, qui sont des éléments nécessaires à la croissance d'un arbre ou de n'importe quelle autre plante. Le problème de ces bactéries, c'est qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Elles ne peuvent donc pas aller chercher la feuille pour la transformer. C'est là que les vers de terre interviennent. En se nourrissant de feuilles mortes, ils ingèrent de la terre qui contient des bactéries. Et c'est dans l'immense intestin des vers de terre que les bactéries entrent en contact avec les feuilles mortes et la transformation s'opère. Les sels minéraux seront rejetés en même temps que les déjections près des racines des arbres. Comme quoi, la nature est bien faite. The newest sound around, the strangest sound that you have ever heard, that like a wild boar or a jungle lion's roar, it isn't like the cry of any bird, but there's a new sound, it's deep under the ground, and everyone who listens to it squirms, because it's new, new sound, so deep under the ground is the sound that's made by worms. C'était donc la branche verte, la chronique de d'Alexia. Comme chaque vendredi, il était question du Bhoutan la dernière fois. Aujourd'hui, nous avons parlé vers de terre. Et la prochaine fois, qui sait, on restera de toute façon dans l'air du temps et de notre environnement. Pour finir, une dernière capsule de poésie aussi. On la doit à Nestor. Nestor qui se produira ce soir, c'est à 20h30 dans les Marolles, à l'eau chaude. Une coopérative qui organise des événements dans laquelle on peut manger à prix démocratique de très bonnes choses végétariennes et biologiques. L'eau chaude donc qui se situe dans la rue des Renards dans les Marolles, c'est vraiment pas loin du Parvis, je vous invite à y aller. Et ce soir il y a un cabaret queer assuré par Nestor que l'on va écouter maintenant, ici dans une version plus poésie. Bonjour Nestor, à votre service. Je ne vais pas parler d'amour parce que l'amour j'en ai rien à faire, trop de taf, pas fastoche la meuf, paf. Pas touche à ma tignasse, qui pousse en masse, en tas, en touffe. Vous êtes tenté par cette tête de teigne, mais osez-y un peigne. Pas la peine, pas ma tasse de thé. J'étouffe, je repousse, je tape tous et toutes ôter vos sales pattes. Rien à Fanion fier, femme d'affaires, peut pas trop me fier. Pas vache à traire aux pieds atrophiés par la poigne. Ou la castagne à la King Kong, c'est moi qui pogne. Il y en a qui cognent avec des poings, comme des moignons, moi non. Sans loi, ni foi, mais au point et en mesure et en rang d'oignon. Mais pas tous et toutes à la fois, bien sûr, voyons. Rien à Je négocie. Je scie entre cache-caché et chèque aussi, à sec, à même la table, si cet échiquier reste équitable et stable. Je déchiquette sans chicane de chienne ou de chacal, rien à Je ramasse de la main à la masse, de la poignée à la béquée. J'amasse des miens, mes mémiettes et même de menus revenus. Tout ce qui coûte me goûte, tout ce qui me revient, rien ne va plus, tous et toutes revenez demain, rien à Rien à offrir, rien à perdre, tout à prendre, rien à redire, ni à en retirer d'ailleurs. Rien à rien, rien de rien, rien. Et toi, là, en un rien, voilà que tu viens et que tu me veux du bien. Thank you. C'était donc Nestor qui sera en cabaret queer ce soir du côté de l'eau chaude. Merci à Sonalité d'avoir assuré une de ces capsules poétiques avec Nestor. Eh bien, il est largement 6h30, donc l'heure de quitter l'antenne. Merci à vous qui nous écoutez. Vous êtes bien sur Radio Campus, en direct, comme chaque premier vendredi du mois, aussi sur le parvis de Saint-Gilles, grâce à la complicité des voisins, des passants et de la brasserie de l'Union voisine. Merci Grazella pour cette technique sans faille. Je ne sais pas si elle est sans faille. On réécoutera tout ça. Merci Jean-Sébastien d'avoir tenu la boutique et à Fred d'avoir assuré la permanence du lien. Merci à nos invités surprises. May, tu es toujours avec nous ? Oui, toujours là. Merci Karine. Oula. Et ce sera ainsi chaque vendredi en direct du Parvis. Et puis il y a Alexia qui a rejoint l'équipe avec sa branche verte, la chronique à entendre à chaque fin d'émission. Voilà, et moi j'en profite en même temps pour remercier Fred, Fredux, sans qui ce serait pas possible de faire du direct. Puis il y a Jean-Sébastien aussi qui est de l'autre côté, lui aussi aux commandes de radio pour streamer. Donc merci beaucoup à eux. Et surtout faire passer l'idée que ce projet de Radio Camio, c'est un début, et ce serait vraiment bien, c'est aussi dans la durée que les choses prennent de la profondeur, c'est que cette scène ouverte soit vraiment, vraiment ouverte aux gens, voilà. Et on espère être un peu plus en dynamique avec les gens quand il fera un peu meilleur aussi, voilà. Voilà, merci à vous. On cède l'antenne, la suite de la programmation. Ce sera un choix musical varié jusqu'à retrouver Extrême Onction, une émission de métal. Et puis il y aura du hip-hop, et puis il y aura de la soul, et puis de la musique toujours et encore tout le week-end, et encore jusqu'à la semaine prochaine au moins. Au revoir à tous, bye bye. Voilà, merci Karine, et merci à toi aussi. Mais à bientôt. Radio Campus, Bruxelles, Bruxelles, 92.1,